souffle le poing en l'air. Et Malcolm X l'avait dit, pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple par tous les moyens. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. En Afrique, en 1720, ils sont venus nous chercher à Gorée. On n'a rien demandé à personne. Esclavage, le coton, l'agriculture, fin d'esclavage, 1865. Ils sont là, les Noirs. On a tout construit chez eux. On a tout construit. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Apprenez votre histoire. Apprenez votre histoire. Attendez pas que l'éducation nationale vous enseigne. Ils vous enseignent rien du tout. Moi, je suis prof. 1965, fin de la ségrégation. Ils ont tué qui? Ils ont tué tout le monde. Martin Luther King, Malcolm X, ils sont morts. Ray Newton, ils sont morts. Rosa Parks, elle est morte. Ils ont tué tout le monde. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. 2020. 2020. On est tous nés en France. On est tous nés en France. On a tous aidé la France. On a tous des bons métiers. On est là. Ils voient un noir, ils ont peur. Nous, on a peur de personne. C'est tous ensemble. Le pouvoir au peuple. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Là, je vois des noirs, je vois des arabes. Mais les blancs, vous êtes où les blancs? C'est de vous qu'on a besoin. La suprématie blanche. C'est quoi la suprématie blanche? C'est de rien dire, de rien dire. Vos réseaux sociaux, ils ont posté. Ils ont posté, je ne peux pas leur faire. C'est les blancs, les noirs, les arabes, tout le monde. Postez avec nous, sinon ça ne marchera pas. La suprématie blanche, c'est tous ensemble. Les noirs, les arabes, les blancs. Alors le pouvoir au peuple, ils ont tué nos frères, nos petits frères, nos grands-pères, nos parents. On va en prison pour rien. Repliez-vous comme ça. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Et n'oubliez jamais, vous êtes noirs. Black Power. Black Power. Et le pour le nez. Black Power. Black Power. Black Power. Black Power. Black Power. Allez, on est tous là. La nuit du 25 mai 2020, alors que la météo annonçait clair, un homme de 34 ans, pardon, de 46 ans, George Floyd, avec une distinct et père de famille, s'est vu avoir la jambe sur le cou, en suffoquant, en suppliant, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi. Et qu'est-ce qu'il a reçu? I can breathe. Le problème, mes frères et sœurs, c'est que avec les bavures policières, on nous dit que ce sont des bavures policières. Mais moi, j'appelle ça des morsures policières. Pourquoi? Parce que quand un chien mord quelqu'un, on ne dit pas qu'il a bavé sur quelqu'un. On dit qu'il a mordu quelqu'un. Mon frère, tu dis la donc vérité. Donc ce sont des morsures policières. Tu dis la vérité. Des bavures policières. Tu es dans la vérité, mon frère. Donc, sachez une chose. La suprématie blanche fonctionne comment? On dit souvent que les blancs ont participé à la traite négrière, mais sauf que c'est faux. C'était une minorité de blancs qui ont participé à la traite négrière. Donc, ne vous accusez pas et ne soyez pas honteux. Pourquoi? Parce que pendant que nos frères étaient dans les champs de coton, vous, les peuples blancs, étaient aussi dans le même pétrin que nous. Parce que c'est une oligarchie, une petite infime minorité qui, pendant des siècles et des siècles, ont perpétué le crime sur les peuples et sur les nations. Et si vous n'avez pas compris comment ils fonctionnent, c'est simple. Ils montent les factions les unes contre les autres. Ils montrent les peuples les unes contre les autres. Ils ont créé des histoires à dormir debout. Comme quoi le noir est plus proche de l'animal que de l'homme. Mais faux, ça, c'est faux. ils l'ont fait gober à vos grands-parents. Ils l'ont fait gober à nos grands-parents. Alors que eux tous étaient contre l'esclavage. Lorsque Christophe Colomb, en 1492, partit, n'est-ce pas, vers les conquêtes de l'Amérique, bien évidemment, il faut savoir que Isabel de Castille et Ferdinand d'Aragon étaient contre. Le peuple espagnol était contre. Donc, le peuple français, le peuple blanc a toujours été contre. C'est une minorité qui a toujours nuit à la population, qui veut que nous soyons sous le joug du racisme et sous l'illusion du racisme. Mais en réalité, vous êtes tous ici pour défendre une cause, pour défendre la même cause. Parce que la police n'est que la manifestation d'une aristocratie et d'une oligarchie bien conservée depuis des siècles. Et ils jouent justement sur la friction des peuples, afin que nous, on se soit divisés. Mais, la réalité, c'est qu'il n'y aura jamais assez de policiers, jamais assez de casques, jamais assez de boucliers, jamais assez de fumigènes, jamais assez de flashballs pour briser la volonté du peuple, pour briser la créativité du peuple, pour briser la volonté du peuple. Et sachez-le bien, parce que les morts sur policières, les gilets jaunes l'ont vécu. Les morts sur policières, les grévistes l'ont vécu. Les morts sur policières, les écologistes d'extinction rebellion l'ont vécu. Les morts sur policières, mes frères de cité l'ont vécu. Les morts sur policières, c'est les infirmiers, les pompiers, les médecins, tous les peuples, toutes les personnes issues de la classe populaire qui l'ont vécu. Donc levez le poing en l'air. Levez le poing en l'air, mes frères et sœurs. Non seulement pour le noir, non seulement pour le blanc, mais aussi pour les Amérindiens. Il faut se le dire. Ça fait des siècles. Moi, je suis pas d'accord. Ça fait des siècles que nous, les Noirs, on a fui. Black Lives Matter, for the life. Voilà. Black Panther, for the life. Et tous les Blancs, tous les Arabes, vous êtes pour la même cause. Nous ne faisons pas partie du 1%. Nous faisons partie du 99%. Et là, aujourd'hui, je veux que vous gardiez le mindset afin que, justement, nous soyons sur une même lancée. Afin que, justement, on brise les codes instruits par les mecs de Donald Trump, par des oligarchies, par les Rothschild, par les grands capitaux. Fuck that! Vive le peuple, vive la force, vive la force.